Et donc, on recommence avec le XVIe siècle. Donc, Jérémy Fauard, Tout perdre en un jour, Les Huguenots et l'Édit de Nemours, 1585. Oui, merci Nati. Donc, merci à Nathalie Latanas pour son invitation, ainsi qu'à la RHMC. Je changeais de titre entre temps. Ouais, désolé. Finalement, mon titre et ma proposition sera plus large que le seul Édit de Nemours. Mon titre, c'est Les droits fragiles des Huguenots. Autant des guerres de religion. Et je finirai avec l'Édit de Nemours comme un cas particulier de cette fragilité juridique qui caractérise les protestants français. Le cas des Huguenots du Royaume de France, minorité religieuse, à peu près 10%, dit-on, en réalité on n'en sait rien, 10% du Royaume de France, est une porte d'entrée intéressante pour penser les gens sans droit au XVIe siècle, ou plutôt les gens aux droits fragiles, contestés, jalousés, gens à qui il faut sans cesse, par conséquent, revendiquer des droits. Gens qui ont, par expérience, conscience qu'en droit, rien ne leur est acquis, que tout est terriblement fugace, que pour eux, le droit est en réalité l'expression des rapports de force, des factions politico-religieuses qui traversent et dominent la cour du roi de France. De manière complémentaire à ce que je viens de dire, si leurs droits peuvent être révoqués par un changement des rapports de force au sommet du pouvoir, ils peuvent aussi leur être acquis au niveau local, voire au niveau national, précisément par des coups de force. La violence crée du droit, les prises d'armes, les prises de ville, ou alors par des revendications plus pacifiques, que j'étudierai dans un instant, des remontrances, des pétitions, des suppliques. Comme souvent sous l'Ancien Régime, les droits des Huguenots sont des privilèges, des grâces accordées par le roi, qui peut toujours les retirer, qu'il faut sans cesse mériter, notamment parce qu'aucune institution pérenne, je pense en particulier au Parlement du Royaume, qui sont violemment catholiques, notamment parce qu'aucune institution pérenne et légitime ne défend véritablement les droits des protestants français. J'aurai trois temps dont ma communication, de manière très académique. Premier temps, quels sont les droits des Huguenots ? Quelle est la formalité juridique de ces droits ? Qui les octroie ? Pourquoi ? Et surtout, qui les applique ? Ça, c'est le premier ensemble de questions. Dans un deuxième temps, je passerai à la question des revendications des droits. Comment est-ce qu'on revendique des droits quand on est une minorité sans droit ou avec peu de droits à la fin du XVIe siècle ? Et puis enfin, j'étudierai ce qui devait être ma communication dans une dernière partie, ces situations de cessation de droit, c'est-à-dire ces moments, où il arrive pendant les guerres de religion, où subitement le protestantisme est interdit et où les Huguenots se retrouvent privés de tout droit et de tout secours. C'est le cas de l'édit de Longjumeau en 1568 et c'est le cas de l'édit de Nemours dont je vais vous parler en 1585. Alors d'abord les droits des Huguenots, ou plutôt le droit d'être Huguenot. Puisque au début, c'est bien ça l'enjeu. Les protestants, vous le savez, apparaissent dans le royaume de France dès les années 1520, mais ils n'ont aucun droit avant les années 1560, avant même plutôt l'année 1560. Pour eux, tout est répression, emprisonnement, clandestinité, confiscation de biens. Et bien sûr, pour des milliers d'entre eux, le bûcher. C'est à la faveur d'un changement des rapports de force au sommet de l'État que les Huguenots obtiennent leur premier droit. C'est la mort d'Henri II en 1559 qui fait que Catherine de Médicis, la veuve d'Henri II, se retrouve seule avec des enfants mineurs. Je ne vais pas vous faire tout l'arbre généalogique des derniers Valois, mais des enfants mineurs. Et Catherine de Médicis se retrouve en 1559-1560 sous les tirs croisés des mécontentements nobiliaires. Ça, c'est classique en période de régence, hein, Catherine de Médicis, c'est une femme, c'est une italienne, elle n'a rien pour plaire. Tire croisé des mécontentements nobiliaires, ça ne peut pas y échapper, et du mécontentement religieux. Les Huguenots veulent être reconnus. Et se dit, le mécontentement politique nobiliaire, je ne vais jamais y couper. Je suis une régente. Je resterai une régente, je ne peux rien y faire. En revanche, le mécontentement religieux, assez facilement, je peux l'éviter, c'est ce qu'elle fait. À partir d'une révolution dans les années 1560, Catherine de Médicis, aidée par son chancelier Michel de l'Hospital, reconnaît la légalité du protestantisme français. ou plutôt commence timidement en 1560 par distinguer entre hérétique et séditieux. Un hérétique ne va pas plus être persécuté par le roi. Ceux qui seront persécutés par le roi, ce sont les séditieux, c'est-à-dire ceux qui troublent l'ordre public. Les hérétiques n'intéressent plus ou plus directement l'État, c'est ce qu'Olivier Christin a appelé l'autonomisation de la raison politique. Le chancelier de Catherine de Médicis le dit très clairement, même l'excommunié ne cesse pas d'être citoyen. On peut être excommunié d'un côté, on a quand même des droits et des droits de citoyen. Alors j'ai dit un peu vite que ces droits nouveaux pour les protestants avaient été obtenus à la faveur des changements de force, des changements des rapports de force au sommet de l'État. Mais ça laisserait entendre que ces droits ne sont acquis que par des mutations des factions, hein, c'est de la vieille historiographie du XIXe siècle, au sommet de l'État. C'est vrai, mais pas seulement. De leur côté, depuis une dizaine d'années, les protestants français mettent une pression très grande sur le roi pour obtenir des droits. Depuis les années 1550 et surtout 1558, ils se saisissent des églises. Par la force, ils se saisissent de villes par la force, ils apparaissent au grand jour alors qu'ils n'étaient jusqu'à présent que clandestins. Alors quels sont les droits qu'ils obtiennent en 1560? En janvier 1560, le premier droit obtenu par les protestants français, le premier de tous leurs droits, c'est le droit de remontrance. C'est le premier. Le premier qu'ils obtiennent, c'est le droit de se plaindre. Ils sont donc dans un premier temps sans droit, ils n'ont aucun droit. Mais ils ne sont pas sans voix. Ils ont le droit de se plaindre. Ils ont le droit d'envoyer des remontrances au roi de France. C'est le premier droit historiquement concédé aux protestants français. Le droit de présenter des doléances à la couronne. La plainte donc précède ici l'octroi de droit. En soi, cette concession porte une révolution, car pour se plaindre, il faut se réunir. Par conséquent, le droit de remontrance entraîne le droit de réunion. Les protestants ne seront plus persécutés s'ils se réunissent, pacifiquement, bien entendu, non pas encore pour prier, mais pour discuter de leurs souffrances et présenter au roi des propositions des solutions. Le droit de remontrance porte aussi avec lui implicitement l'espoir d'obtenir d'autres droits. Sinon, pourquoi se réunir? Pourquoi présenter des plaintes si ce n'est pas pour demander des droits? Donc vous voyez, le droit de remontrance entraîne avec lui toute une série de droits, ou pour le moins l'espoir de droits nouveaux. Du côté du roi, le message est très clair. Vous obtiendrez des droits par la doléance et non par l'action violente. Plaignez-vous d'abord, nous verrons ce que vous pouvez faire, ce que nous pouvons faire. Si vous vous saisissez des églises par la force, la répression suivra. C'est implicite, mais le roi a conscience que si la revendication, si les plaintes, si les doléances n'aboutissent jamais, l'action violente des Huguenots sera obligatoire. Évidemment, les Huguenots ne s'en privent pas. Ils se réunissent et rédigent beaucoup de remontrances. À partir des années 1560, 1561, des centaines, des milliers même de remontrances, suppliques, pétitions. Les termes ne sont pas du tout fixés à l'époque. Hein. Remontrances, suppliques, pétitions, doléances, tout signifie à peu près la même chose. Alors que demande-t-il dans ces plaintes? D'abord la liberté de conscience. Ou plutôt, ce qu'on appelle alors la liberté de leur conscience. La liberté de conscience, le terme n'existe pas. Nous, donc les Huguenots disent « nous voulons vivre en liberté de nos conscience, liberté de culte, c'est-à-dire la liberté d'avoir des temples, liberté de sépulture, c'est-à-dire soit enterrer nos morts dans les cimetières catholiques à la façon des protestants, soit avoir des cimetières pour les protestants. Droit d'occuper des offices. Ces plaintes, ces doléances sont effectivement entendues et acceptées par le roi, qui les sanctionne en droit par une série d'édits. L'édit, le premier, le plus connu, c'est l'édit de janvier 1562, qu'on appelle l'édit de janvier, qui est vraiment une révolution dans l'histoire des minorités religieuses en France, puisque l'édit de janvier accorde aux protestants français une liberté de conscience totale. On ne peut plus les poursuivre pour leur conscience, et une liberté de culte limitée. Ils ont droit de prier dans un temple, c'est ce que dit la loi, un temple au faubourg d'une ville par bailliage. un temple au faubourg d'une ville par bailliage. Et puis après, il y a l'édit de Saint-Germain en 1570, c'est à peu près le même, et lui dit un temple au faubourg de deux villes par gouvernement. Avec Amboise, globalement, ils ont 75 villes. Les faubourgs de 75 villes, avec Saint-Germain, les faubourgs de 48 villes, plus tous les droits attachés à la citoyenneté. Acheter, tester, hériter, transmettre, voter, occuper un office. Deux remarques sur les édits, deux remarques rapides, parce que le temps file. Première remarque, la diplomatique de ces édits est très fragile, contrairement aux autres textes de loi. Au niveau de donc la diplomatique des édits de pacification, qui organise la reconnaissance des droits protégés par les Huguenots, est très incertaine. Elle est elle-même fragile dans sa forme. D'abord, l'auto-appellation, l'édit d'Amboise se dit « édit », et plus loin, quelques lignes plus loin, « ordonnance », et plus loin, « déclaration ». Or, en droit, ce n'est pas du tout la même chose, un édit et une déclaration. L'édit et ordonnance sont des actes solennels à valeur perpétuelle et irrévocable. Ce sont des grandes lettres patentes qui sont scellées du grand sceau de cire verte, qui symbolise la perpétuité. Sur l'acte de soie rouge, ils ne sont pas datés. Déclarations, au contraire, sont des petites lettres patentes scellées de cire jaune sur double queue de parchemin. Dans cette typologie, les édits qui accordent des droits aux Huguenots sont inclassables et témoignent de la difficulté pour le pouvoir à accorder durablement des droits aux gens hier sans droit. L'édit d'Amboise se qualifie même de quelque chose qui est paradoxal dans les termes, il s'auto-baptise édit provisionnel, c'est-à-dire édit temporaire, ce qui, en diplomatique, n'est pas possible. En outre, il est daté du jour, c'est-à-dire en bas de l'édit, il est marqué 19 mars 1563, et il est scellé de cire jaune. On dit, bon, le roi avait en tête le fait que son édit, finalement, était irrévocable, c'est machiavélique. Mais l'édit de Saint-Germain, 1570, lui est scellé de cire verte, c'est-à-dire irrévocable, ce qui n'empêchera pas d'être révoqué en 1585. On voit ici, hein, c'était la minute chartiste, on voit ici que ce sont les droits qui sont formellement fragiles, hein, formellement impossibles aux Huguenots de faire confiance à ces droits. D'autant plus qu'ils ne sont pas du tout protégés par ceux qui garantissent la formalité du droit, à savoir les parlements. Les parlements vont même organiser l'irrecevabilité des édits. 3 minutes ? Ouais, non, non, j'ai mon chrono, Nati. Je suis à 12, là. Bon, alors je vais vite parce que je vais vous dire d'autres choses et pas du tout ça, en fait. Pas du tout la diplomatique des édits. Alors, le droit est diplomatiquement fragile. Il est surtout très fragile pour les Huguenots parce qu'il est plein de lacunes. Et notamment, il ne dit jamais où est-ce qu'ils pourront prier. C'est-à-dire que le droit dit, vous avez droit à un temple au faubourg d'une ville par village. C'est ça, l'édit dit ça. Un temple au faubourg d'une ville par village. Il ne dit jamais quelle ville. Évidemment, ça c'est un piège. C'est un piège parce que c'est dans la négociation, l'interprétation, dans les rapports de force locaux qu'on va décréter quelle ville. Évidemment, c'est jamais, ça ne sera jamais le chef-lieu du bailliage. Sauf là où les Huguenots sont dominants. Partout où ils sont minoritaires, ils vont devoir négocier avec le gouverneur quelle ville. Et ça va toujours être, comme ils le disent, des vieilles mottes de terre. Des petits bleds. J'exagère parce que certains ont grossi depuis. Les protestants de Bordeaux obtiennent Saint-Macaire. C'est loin, Saint-Macaire. Les protestants de Tours obtiennent Langeais. Les protestants de Clermont, j'ai trouvé ça pour Nati, obtiennent Issoire. C'est toujours loin. C'est toujours loin, encore aujourd'hui. En allant si loin, évidemment, ils sont menacés par les nombreux bandits. Ils sont massacrés. Ils font naufrage aussi, hein, je pensais au texte de Caroline, ils font naufrage pour aller de Bordeaux à Saint-Macaire. Ils font naufrage. Et c'est bien sûr là la preuve que Dieu les a abandonnés. C'est la preuve pour les catholiques, bien sûr, mais pour les protestants eux-mêmes, qui, dans ces malheurs, s'auto-persuadent qu'ils sont lâchés par Dieu. Alors, quelles sont les revendications des... Alors, deuxième temps de mon propos, comment est-ce que ces protestants, sans droit, puis avec droit fragile, se plaignent? Ils font des remontrances, ils font des pétitions. J'en ai travaillé plusieurs centaines dans le papier, je développerai ce point. Ce qui m'a paru assez intéressant dans ces pétitions, c'est que elles sont strictement sécularisées. C'est des pétitions, des remontrances de groupes religieux, de groupes confessionnels, dont le but est d'obtenir des temples, et qui, dans tout leur vocabulaire, n'utilisent jamais le mot « salut », n'utilisent jamais le mot « hérésie », n'utilisent jamais le mot « sacré », mais ils font toujours référence au bien commun, ne s'auto-baptisent même jamais de la religion prétendue réformée ou de la religion réformée, mais tous disent que ce sont des plaintes écrites par les habitants d'Orléans. Ils se revendiquent toujours non comme des huguenots, non comme des protestants, mais comme des citoyens à qui les droits sont bafoués. Dernier point, je voudrais passer à l'édit de mémoire, quand même, à la question de la cessation des droits. 3 minutes, Nathalie. Non, c'est bon. Donc ces droits sont fragiles, évidemment. Qu'est-ce que c'est les guerres de religion? Les guerres de religion, c'est le roi qui décide à un moment, les édits de pacification, c'est fini, désormais le protestantisme, c'est interdit. Du jour au lendemain, ou presque, ça arrive au moins deux fois, sans parler des massacres, sans parler de la Saint-Barthélemy, ça arrive au moins deux fois, Longjumeau en mars 1568, et surtout Nemours en juillet 1585. Alors ça, évidemment, c'est un piège pour les protestants, parce qu'avec les édits de pacification, ils se sont montrés au grand jour. Jusque dans les années 1560, ils sont clandestins, personne ne sait qui est protestant. Là, tout le monde sait qui est protestant. Donc, les protestants ont pignon sur rue, ont acheté des maisons, tiennent des offices, se sont déclarés, montrés comme protestants, et du jour au lendemain, on arrête l'édit de Nemours, qui est l'ancêtre de la révocation de l'édit de Nantes, hein, qui est l'ancêtre de l'édit de Fontainebleau, un siècle avant, interdit le protestantisme, confisque les immeubles à ceux qui refusent de se convertir, donne 2 mois aux huguenots pour se convertir ou quitter le royaume. L'édit de Longjumeau, 1568, interdit le protestantisme, par conséquent les villes catholiques expulsent leurs protestants. 2 ans après, 1570, ils reviennent, c'est l'édit de Saint-Germain. Je voulais en venir à ça parce que ça fait écho à la communication de Claire. Dans toutes ces questions de persécution et de répression, se posent gravement pour les protestants des questions d'identification. Qui sait au XVIe siècle qui est protestant et qui ne l'est pas? Puisque on parle de droit, mais la question est comment est-ce qu'on passe du droit décidé par l'État aux personnes? Comment on rattache un droit, ou plutôt une absence de droit, à un visage, à un corps? L'État peut tout à fait dire le protestantisme est interdit, mais la question est de savoir qui est protestant. Et le roi ne sait pas qui est protestant. On n'a évidemment pas de papier d'identité, pas de papier confessionnel, pas d'informatique. L'État civil, vous le savez, est balbutiant. Les curés ont des registres fort mal tenus. Donc tout ça, ça ne fait pas preuve. Qui rattache un droit ou une absence de droit à un visage? Les voisins. Seuls les voisins sont capables de dire qui est protestant, qui ne l'est pas. Les sociétés d'orthodoxie sont donc des sociétés de délateurs. On va s'appuyer sur les voisins à partir de 1585 pour savoir, le roi a besoin du savoir indigène, du savoir local, sans lequel il est absolument incapable de priver les huguenots de droit. Leur savoir indigène, c'est les voisins, c'est les curés, mais même les curés ne savent pas. Donc les curés font appel aux voisins pour dire qui va à la messe, qui n'y va pas. Le curé lui-même ne le sait pas. Donc à partir de 1585, dans les archives, je vois apparaître des dénonciations, des lettres de dénonciation et inversement, ce dont on parlait tout à l'heure, des certificats, des attestations de catholicité. Pour rester dans une ville, à partir de 1585, il faut une attestation du curé, extrêmement fragile. Dernier point et après je m'arrête. On a la situation inverse qui est qu'avec les moments de paix, les protestants reviennent chez eux et le roi dit voilà, vous devez laisser rentrer les protestants dans vos villes. Et ce que vont faire les villes, toujours fortes de leur savoir, c'est dire donc on a exemple à Mâcon par exemple, les habitants de Mâcon rentrent chez eux, les protestants de Mâcon rentrent chez eux, ils arrivent aux portes de la ville, les portes sont fermées. Le garde des portes demande « Qui êtes-vous ?» Les protestants de Mâcon, vous savez bien qui on est. On est les protestants de Mâcon, on est vos voisins. Et les catholiques à la garde des portes vont faire semblant de ne pas les reconnaître. Or, seuls les voisins sont capables de dire « Qui est Mâconnais ?» Le roi peut dire tout ce qu'il veut. Seuls les indigènes sont capables de reconnaître les indigènes. Et les portes de la ville restent désespérément closes pour les Mâconnais qui attendent très longtemps, pour les protestants Mâconnais qui attendent très longtemps. Alors je conclue ainsi. Alors, on voit bien ici qu'en fait, ce que j'ai voulu montrer rapidement, c'est que l'accès aux ressources locales, comme la privation d'accès à ces ressources locales, sont aussi fonction des pratiques entre habitants, des capacités de revendication et d'exclusion, c'est-à-dire des compétences et des rapports de force des uns et des autres. Dans ce contexte, les protestants prennent rapidement conscience de la fragilité des droits qui leur sont octroyés. Paradoxalement, ils se rendent compte que pire que l'État, ce sont leurs voisins. C'est-à-dire que l'État, oui, peut du jour au lendemain décider de ne plus garantir leurs droits. Mais ils sont contraints de se tourner vers un État qui est de temps en temps persécuteur, mais en général les protège, parce que leurs voisins les persécutent en permanence. Donc paradoxalement, les plus royalistes, les plus étatistes des sujets français à la fin du XVIe siècle, et surtout au début du XVIIe siècle, c'est vrai que les protestants français, malgré ces moments ponctuels de persécution par l'État, ils se tournent vers l'État qui garantit les droits des individus. Deuxième remarque conclusive, le protestantisme français n'est pas mort de l'absence de droits, d'être sans droits, mais paradoxalement, d'un accès limité au droit, d'un accès fragile au droit. Tandis qu'il est clandestin, secret, persécuté, entre 1520 et 1560, il progresse de manière triomphante, violente, inévitable. Tandis qu'il est sans droit, il progresse. À partir du moment où des droits lui sont ouverts, il s'essouffle, se banalise, perd de son attrait. Le protestantisme français est ainsi mort, non des violences physiques à son encontre, mais des violences symboliques, juridiques, qui l'ont frappé progressivement. Je vous remercie.